tentative de griner, parler. C'était pour vous signaler que nous étions en entrée du port de Gravelines. Oui, bien sûr, votre sortie est terminée pour la journée. Ouais, exact. Très bien pris du cross, merci, à plus tard. Merci, bonne journée. KVTS du Cyclone. Cyclone de la KVTS. Oui, en effet, bon, on quitte la version 3, pour de vol. C'est noté, monsieur. Tornade, un quart dans l'axe. Un quart dans l'axe. Triomphant, Paris, Tribord. Paris, Tribord, Triomphant. Tornade, demi. Demi dans l'axe. Un quart KVTS aventureux. Bonjour, on a parlé du Fraissinet 6 pour De Gaulle. Ouais, bien pris, monsieur. Tornade, tu viens avec du tribord, s'il te plaît. Je viens avec du tribord. La carte, c'est bon, tu vas faire. Esperade, un KVTS. Oui, rebonjour, ça serait possible d'avoir un batteur du vol 2, s'il vous plaît. Ouais, j'ai l'Espera pour le mol 2, s'il te plaît. Merci. Espera d'un KVTS. Il est en ouverture. Merci beaucoup. KVTS, Black Pearl. Je suis à la Cyclo Vigan 2, c'est pour aller mettre au Vigan 3. Quelqu'un est passé de là pour la sortie du canal. Oui, passé de là, bien pris, monsieur, j'ai la... Ah, ok, ça marche, merci. C'est l'Atlas d'un KVTS. J'ai quelques KVTS, bien, attention. Yes, sir, I saw you on the radars that you are already entering in Dick Station. Do you confirm 1230 ETA? My ETA to Dunkirk, Breakwater 1210. Okay, ETA Breakwater 1230. Okay, stand by, we come back. Stand by. Santa Marta Express, Santa Marta Express, one okay. Approach, channel 16, over. Stand by. Good morning, Jacques-Sivan Express, bonjour monsieur, 15 minutes now, and the master is 150, merci monsieur. Merci, merci. Merci, au revoir. C'est Atlas, this is Denka VTS, channel 73. Oui, monsieur, juste pour information, il y a le Staris Fjord qui va à De Gaulle avec deux remorqueurs. Hein. Et il vient de Fraissinet 13. Donc, entre la Fat Solac qui est grand 5. Oui, c'est parce que je vous ai vu au radar, donc je préfère vous prévenir. Pas de soucis, je vous remercie. Il n'y a pas de soucis. À tout à l'heure. Oh, Maxi à droite. Maxi à droite. Channel 73, please, we'll come back with the instruction. Oui, station à plan d'un KVTS. Oui, bonjour, c'est le bateau Jordi. Hein, la carte ouest du Minnesota. Minnesota, j'écoute. Ouais, c'est pour vous signaler qu'il me reste 6 conteneurs à mettre avant de départ. Pas de problème, tout est prêt pour votre départ. À vous aussi, merci. Merci, à tout à l'heure. La KVTS Skyfall. Skyfall, la KVTS, j'écoute. Ouais, bonjour monsieur, bah du coup, au départ du Vigon 3 pour Mardic après le Jordi. C'est noté, monsieur, merci. Dunkerque-Ouest, Pasadena. Pasadena, Dunkerque-Ouest, bonjour. Bonjour, Pasadena dans les dunes pour le TDF. Ouais, bien pris, je vais aller toucher la demande. Aventureux et Cyclone, j'aurais demandé là, quand ils avaient resté lors de première pointe, qu'ils voulaient rien. Donc midi 10 au DIC pour l'Atlas 440. C'est l'Atlas Dunker VTS. Demi à droit. Yes sir, can you confirm your ETA at the DIC station please? My ETA is in the fire station 1230. 1230. UTC, sir? Oh no, local time, local time. 1230, local time. Ok, sir, thank you. Bon. Aventureux, largué éclair devant. Aventureux, merci, bonne journée, à bientôt. Bienvenue pour l'aventureux, merci, bonne journée à vous, à la prochaine, au revoir. Dunkerque VTS, Dunkerque VTS, Star, Isfjord, bonjour, bonjour à tous. Starry Fjord, Dunkerque VTS, bonjour monsieur. Monsieur. Bonjour, bonjour à tous, Starry Fjord, 10 mètres, P19, et on sera pas à Paris du 13 avec deux marqueurs, s'il vous plaît. C'est noté, je reviens vers vous tout de suite. Paris éclair pour le cyclone. Dunkerque VTS, si on fond. Terminé, merci. Et au fond, Dunkerque VTS. Oui, également, une bonne journée, une prochaine, merci. Triomphant, Dunkerque VTS. Ouais, bonjour monsieur, on quitte le Fréciné 6 pour le Fréciné 12. C'est noté monsieur. AM Québec du Star Fjord, Olivier, bonjour. Ouais. Ça doit être Yves. Star Fjord, le Québec, c'est Yves. On va commencer. Donc Star Fjord de Gaulle avec, t'en as des triomphants? Ouais, plus sans doute les trois qui terminent sur le Québec. Ok. Je lui dis qu'on confirme. Non, il y a plus d'autres si on les rentrera après. Il y en a trois entre. Ouais, c'est ça, ce qu'on a entre guillemets à vide. Rentreront après l'entrée. Okay. M. Québec, c'est terminé pour l'avant 4 et 2. Merci. Starry's Fjord, d'un KVTS. Oui, pas vraiment, bientôt. Starry's Fjord, je vous écoute. Oui, monsieur, donc vous irez par De Gaulle avec le Tornade et Triomphant qui est en train de faire route. Le Tornade est à côté de vous. Et normalement, vous avez les trois remorqueurs qui feront ça, c'est avec vous. On va voir avec vous si on les laisse rentrer en premier ou après vous. Ouais, mon bateau, il fait 200 mètres, là, si possible, je préfère qu'il rentre après. Ouais. C'est noté, monsieur. Et on ira à bâbord à De Gaulle. Bâbord à De Gaulle, merci. Merci. Dunkerque VTS, aventureux. Aventureux, Dunkerque VTS. Bonjour monsieur, on a terminé Solac 2, on fait route Fresnay 6. Ouais, voilà, donc. Mais ils vont. Tornade triomphant du Star Isfjord, pardon, 73, on passe 6, 2x3, s'il vous plaît. Sylvie, je vais vous rappeler. Parce que... Ah, Sylvie, vous plaît. Dunkerque VTS. Espérada, Dunkerque VTS. Allô. Oui, rebonjour, ça serait possible d'avoir le feu vert de l'intersuite, s'il vous plaît. Ah non, vas-y. Dans la Triomphant 73. Donc l'aventureux, Ronan, il va offrir signer 6 et je repars, c'est ça? Allez, bonjour, la Triomphant. Il rate la sortie du... Triomphant, on passe 6. Dans la bonjour, on passe 6. Aventureux, d'un car VTS. Aventureux, écoute. Oui, monsieur, donc vous allez fraîchiner 6, c'est ça, hein? C'est ça, ouais. Ouais, on fait juste un stop à l'atelier, après on sortira la vite avec le fraîchiner 12. C'est noté, donc loupez pas la sortie du... Allez, bonjour. Le Staris Fjord. Non, non, vous inquiétez pas. Et pour information, les remorqueurs qui s'assavident iront après le Staris Fjord. Ouais, là, il suffit, c'est pour ça qu'on a un petit peu de temps, ça marche, merci. Le dernier quartier d'été, du cyclone. Cyclone d'AK VTS. Ouais, bonjour, bah, la même chose que l'aventureux, on fait un petit arrêt vite fait à l'atelier et on revient pour le SAC. C'est noté, si vous avez bien suivi, vous rentrez après le Star Issue. On vous avez suivi, merci. Vichy West, des Jobati, Vichy West, des Jobati. Station qui appelle la carte Quest, bonjour. Ouais, bonjour monsieur Giovatti, petite vedette de sondage. On est actuellement en Roro 5, on s'apprête à parier pour l'émission de bathymétrie qui vont durer jusqu'au milieu d'après-midi, secteur du canal des dunes et de l'avant-port ouest. Espera, d'un KVTS, vous pouvez y aller. Hein. Vous pouvez y aller hein. Okay. Merci. Ouais, excusez-moi, on a été coupé. Vous pouvez rappeler votre nom, s'il vous plaît? Géobati, pour l'émission de bathymétrie prévue sur l'avant-port ouest et canal des dunes. Ok, ça marche, monsieur, pas de problème, vous pouvez y aller. J'ai la Pasadena qui sort de l'écluse des dunes hein, pour le quai de Flandre. Ok, bien reçu, merci, à tout à l'heure. À droite, c'est bon. À droite, c'est bon. Allez, à droite, merci. Bonne journée, et à bientôt. Et c'est terminé pour la droite, bonne journée, pièce, bon courage. D'un car VTS de la droite, bonjour. À droite d'un car VTS, bonjour monsieur. Bonjour monsieur, on termine à Solac pour une sortie à vide pour l'ouest, s'il vous plaît. C'est noté monsieur, donc vous irez après le Staris Fjord qui est avec le Tornade et le Triomphant et vous ferez également route avec le Cyclone et l'Aventureux, mais après le navire. Reçu par De Gaulle, mais donc après le navire. C'est bien pris, je vous remercie. Capé derrière, en allonge. Vous en avez capé derrière, monsieur. Dunkerque VTS, Savannah. 64 tonnes maxi derrière. Savannah, Dunkerque VTS, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Bateau Savannah au départ du quai du départ pour l'écluse des dunes, s'il vous plaît. C'est noté, je reviens vers vous, monsieur. Oui, j'ai la Savannah qui est quai de départ, qui souhaite l'ouverture du Mol 2 pour l'écluse des dunes. Je te remercie. J'en ai paré derrière. J'en ai paré derrière. Savannah, d'un KVTS. De Gaulle. Je vous écoute. Oui, monsieur, l'ouverture du pont est en route. Pour information, vous avez le cyclone et l'aventureux devant vous qui iront fraissiner 6. Et vous avez une sortie de fraissiner 13 pour le navire Staris Fjord accompagné de deux remorqueurs à destination de l'écluse de Gaulle. D'accord, très bien. Merci pour les informations. Staris Fjord, Naker VTS. Triomphant avec appel devant nous. Monsieur Triomphant, merci. Ouais, c'est lui, c'est Stéphane. Donc, non, il n'a pas eu lundi, là, il est en train de. Juste. Moi aussi. Comme ça, bon, on verra la réponse. Staris Fjord, Naker VTS. Voilà. T'as vu le message pour la semaine prochaine? Oui, je vous écoute. Oui, monsieur, pour information, vous avez la barge Savannah qui va passer le Mall 2 dans moins de 5 minutes à destination de l'Écluse et d'une. Pour le pointage du mois prochain, j'ai vu, je suis en JD. Ouais, monsieur, il faut qu'il y ait ça vite, là, parce que j'ai pas terminé à Paris. Bah, écoute, merci. Je suis à Dunkerque West. Merci, à bientôt. Elle va passer le Mall 2 dans moins de 5 minutes. Dunkerque West, Dunkerque Seaways, authorization pour Paris, s'il vous plaît. J'irai d'attendre s'il faut. Dunkerque Seaways, autorisation d'appareiller. Merci, monsieur. Le tour fond est pareil. Le train en Paris, pareil. Enfin, Paris, avant reçu. Savannah, Dakar VTS. Faites route doucement. Oui, monsieur, je vous écoute. Sécurité, sécurité, sécurité. Le cross est décisif, le bulletin météorologique spécial de la frontière belge à la Bexum. Veuillez passer canal 79-79. D'accord, ok, sans problème. Écoutez, on fait doucement, sans problème. Ok, West, ok, c'est vrai, c'est pareil, monsieur. Tornade un quart, triomphant un quart à décoster. Un quart tornade. Un quart triomphant. Chasse de Gaulle du Staris Fjord, bonjour. Staris Fjord, chasse de Gaulle, bonjour pilote, je vous écoute. Bonjour, on est à Paris du 13, on ira bâbord chez vous. Bâbord à De Gaulle, ok, à tout à l'heure. Triomphant demi. Demi triomphant. Tornade demi. Demi. Triomphant, tiens bon. Crosse-Grigné de SLS 276, bonjour. SLS 276 du Crosse-Grigné, bonjour. Oui, nous sortons à une petite demi-heure là pour faire quelques essais. Ouais, c'est bien pris du Crosse, vous êtes combien à bord? 5 personnes à bord. J'ai bien reçu du cross à tout à l'heure. Et merci à tout à l'heure. Triomphant un quart. Un quart, triomphant. Triomphant, tiens bon, tornade, tiens bon. On va un peu, il y a une barge là qui sort. Allez, tiens bon, triomphant, reçu pour les barges. Savannah, Starry Fjord. Monsieur, je vous écoute. Ouais, j'ai appareillé là, j'ai réduit là, j'ai ralenti là. Vous passez vite derrière moi là, comme ça dès que vous êtes clair, j'y vais. Ok, très bien, mais écoutez, je vais faire vite alors, merci. Merci. Je vais serrer le mur comme ça. Ok. Tout comme on avait dit. France, thank you, pilot. Dunkirk West over Seaways, good morning.